L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Dimanche 21 janvier, au CEP 58 rue du Placieux à Nancy, se déroulera un concert qui nous amènera au-delà des murs. Et plus qu'un concert, un message d'espoir pour les prisonniers, leurs familles et ceux qui œuvrent en leur faveur. Christophe Pachou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aumônier de prison et partagerez donc la scène avec le chanteur de gospel soul Brother Charles. Comment est né ce projet qui est aussi sur scène mais qui est aussi sur CD? Eh bien en fait, au-delà de Mire, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre un chanteur de gospel et puis un aumônier de prison. Nous avons eu tous les deux à cœur d'apporter un peu de musique et de lumière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ceux qui sont à l'ombre. Et ça a commencé par un CD. Un CD qui va d'ailleurs être offert en avant-première le 20 janvier donc à des personnes détenues. Et puis ensuite, eh bien, c'est une représentation musicale où il y a à la fois un mélange de soul music, un mélange de gospel et puis d'exhortation. Voilà, parce qu'il y aura une première représentation en avant-première donc le samedi 20 janvier au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Et ce sera donc là ouvert au public le lendemain, le dimanche 21 janvier au CEP rue du Placieux. Donc vous l'avez dit, c'est l'histoire d'une rencontre. Vous avez dit que vous étiez aumônier de prison. En quelques mots, c'est quoi le rôle d'un aumônier de prison? Le rôle de l'aumônier de prison, je dirais, c'est déjà de rencontrer des personnes qui sont privées de liberté. Et c'est aussi leur apporter aussi un soutien, qu'il soit moral et spirituel, de faire un bout de chemin avec eux et puis de leur rappeler, en fin de compte, la valeur qu'ils ont au regard de Dieu. Vous rencontrez les prisonniers, vous avez aussi un lien avec les familles ou aussi les bénévoles qui œuvrent aussi au quotidien dans les centres pénitentiaires. Alors en ce qui concerne le ministère d'aumônier de prison, il est spécifique auprès des personnes détenues. Par contre, nous sommes en contact aussi avec des associations qui travaillent justement en faveur des familles détenues, notamment l'association Le Dilo, avec laquelle nous avons eu le plaisir d'enregistrer un titre qui s'appelle Les Accueillants. Je dirais presque que nous faisons un peu concurrence aux Enfoirés avec cette chanson, mais ça fait partie un peu de la surprise d'Au-delà des Murs. Voilà, un titre donc qui est sur ce CD Au-delà des Murs. Hein. Tout à fait, oui. Ce CD, on pourra le trouver où? Alors ce CD, il va déjà être distribué gratuitement à des personnes détenues en prison. Oui. Ensuite, lors de la représentation du 21 janvier à Nancy, donc il va être déjà en vente dans cette salle. Il coûte 5 €. Le CD, c'est un album, un mini-album qui coûte 5 €. Et ensuite, en passant par l'association LEDEM, en envoyant simplement un email à LEDEM@gmx.fr, vous pouvez faire des demandes donc d'achat, que ce soit groupé ou unitaire, donc du CD. Parlez-nous un peu de ce spectacle. Vous serez sur scène en compagnie de Brother Charles, donc lui le chanteur, vous l'aumônier de prison. Comment se passer ce spectacle? Alors c'est ça un petit peu la nouveauté. Effectivement, c'est pas une intervention style concert et ensuite une seconde intervention d'un aumônier. C'est vraiment une réalisation commune. C'est-à-dire que Au-delà des Murs, c'est à la fois le chant de Brother Charles et puis l'aumônier qui intervient au milieu des chants pour un message qui concerne à la fois les personnes qui sont en prison, les personnes qui sont en dehors, un petit peu aussi, je dirais, une occasion de faire tomber les murs entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, et puis ça reprend en musique. C'est un tout et pas un message et une musique. De ce CD, de ce spectacle du 21 janvier notamment, quel message vous voulez qu'il soit le plus entendu? Je crois que le message qu'il faut qu'il soit entendu le plus, c'est un message d'espoir que porte d'ailleurs le gospel, d'où justement les chants gospel, message d'espoir que même au milieu d'un cachot, même au milieu d'une prison, ou dans des difficultés que l'on peut traverser, même si on est en dehors d'une prison, rien n'est impossible, et puisque l'on porte un message gospel, rien n'est impossible pour Dieu. Christophe Pachou, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant ce spectacle? Concernant ce spectacle, j'inviterai toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont sensibilisées par le sujet de la prison, et puis bien entendu toutes celles qui ont été touchées de manière directe ou indirecte, à venir nous rejoindre à 16 h au Placieux. C'est avec plaisir que nous les accueillerons pour cette représentation musicale. Et précisons que l'entrée est gratuite pour cette représentation. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour terminer, nous écoutons un court medley de certains des titres qui seront joués le 21 janvier. Brother Charles sur Fat Jet. Cette fois, c'est sûr, ils ne vont pas faire dans la demi-mesure. Je fais prendre très cher. Avec ce morceau, je veux juste mettre des mots sur ce que font ceux qu'on appelle les accueillants. Ces hommes et ces femmes qui aident, qui entourent en toute simplicité et sans rien attendre en retour. Eh ouais, ce sont leurs actes qui parlent. Que ton fils ne rentrera pas ce soir. C'était un medley des titres de Brother Charles, extrait du CD Au-delà des murs et du spectacle que vous êtes invité à aller voir le dimanche 21 janvier au 58 rue du Placieux à Nancy. À partir de 16h, l'entrée est gratuite. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.